Activité 5, page 117. Piste 90. 1. Je visite les chutes du Niagara au Canada cet été. 2. J'aime visiter les rizières en terrasse au Vietnam. 3. Il part en vacances en ville avec sa mère. 4. Elle veut partir à la montagne en Suisse.